répète beaucoup c'est le Coran dans le Coran min al-amr bit-tawhid l'ordre de l'unicité ou al-nahy an-shirk et l'interdiction du polythéisme والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا et c'est ce verset là qu'on vient de voir l'explication de Cheikh Ibn Baz dessus et sur ce point on va s'arrêter là wa subhanaka Allahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in